lâcher la course en plein milieu. Déçu un peu trop souvent par les amours tièdes et le mauvais temps, j'arrive un peu perdu, un peu perdant, à Bruxelles au printemps. On s'est connus à pas de loup. Moi j'étais l'Amérique et toi le mois d'avril au vent doux. Bruxelles était belle comme un accordéon triste et un peu fou. Toi tu volais des fleurs la nuit et dans ton lit tu faisais doucement des tours de magie pour tes chiens savants. Loin des bruits de la fête foraine, moi je te chantais déjà ma chanson d'amour, ma lueur d'espoir, comme on attend le bal du samedi soir. Je t'attends et je t'aime toujours. Tard et parfois trop lourd, comme on attend la nuit dans la chaleur de juillet. Je t'attends et je t'aime toujours.